C'est déjà déchiré. Oriental Dream, Ammo, je suis trop inspiré. Ah, spécialité folie. Elle est jolie comme une Ferrari. Hey, ouais, mais je suis pas ton pigeon, ma chérie. Demande à Abdallah la famille. Oh, y'a DJ. J'ai de l'fouli, mon Ali. On y gagne une lila. Spécial MD folie. Oh, y'a DJ. Baby, j'ai de l'fouli, mon Ali. On y gagne une lila. J'ai pas le temps, j'ai une autre marque figuée. Je finirai mes jours là-bas sans hésiter. Mais d'abord faut que je fasse une Pakista. De 3 millions d'euros c'est la retraite là-bas. Cousin, j'ai pas le temps d'écouter tes bla bla bla. Tu bien, elle la youth nous la gueule là-bas. Y'a une brille, rythme, hami. Réussite ou le boom. Elle mousse les rapides de pays. Mille années, c'est l'yom. Mon dieu, c'est la tête. Qui a radié les grilles de l'homme. Yeah.